Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les jeunesses musicales du Canada. J'ai chanté à Québec, à Ontario, au Nouveau-Brunswick, peut-être 90 concerts. Après, on a fait un échange et j'ai chanté en Europe pour les jeunesses. Ça m'a fait ça m'a lancé dans ma carrière. Et c'est à cause des jeunesses musicales que je chante aujourd'hui. La chanteuse Maureen Forrester à l'émission L'aventure des jeunesses musicales du Canada, diffusée en 1999. Maureen Forrester fait partie de cette longue liste d'artistes pour qui les jeunesses musicales ont joué un rôle crucial. Créée en 1949, les jeunesses musicales du Canada ont agi comme formidable tremplin dans la carrière de nombreux artistes classiques du pays, de Joseph Rouleau à Marie-Nicole Lemieux, en passant par Louis Quillico. J'avais ramassé, il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a C'est absolument incroyable de penser que maintenant, les jeunesses musicales, après 50 ans d'activité pour éduquer les jeunes, pour éduquer le public, pour nous on est à la défense de la musique classique et de voir que maintenant, on peut recevoir nos invités, nos gens dans une bâtisse. Qui va amener le respect par sa beauté, sa simplicité. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sur mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens t'en à ma maison. Alors... Si on va avoir un public plus tard, il faut aller dans des écoles, il faut leur faire connaître la musique classique par tous les moyens possibles. Parce qu'aujourd'hui, ils entendent tellement de zing-zing, de bang-bang partout dans les radios, excepté Radio-Canada, naturellement, et les radios qui offrent au public de la musique classique. Je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Joseph Rouleau, au moment de l'ouverture de la Maison des jeunesses musicales du Canada à Montréal en avril 2000, pour nous faire revivre la petite et la grande histoire de jeunesse musicale du Canada. Je reçois Françoise Davoine, longtemps animatrice à ICI Musique, amie de l'émission. Françoise Davoine, bonjour. Bonjour et bonjour à tous et à toutes. C'est l'une des émissions que vous teniez à faire, Françoise Davoine. Pourquoi? Oui, puis je suis ravie d'entendre Joseph Rouleau, qui est mon idole. Vous savez, il a 90 ans et il s'occupe encore des jeunes musiciens. Il est resté 25 ans à la tête des jeunesses musicales comme président. Maureen Forrester aussi a été présidente des jeunesse musicale. Alors pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui est ancré dans la vie musicale canadienne depuis 70 ans et que les jeunesses musicales du Canada ont joué un rôle incroyable pour la promotion de nos artistes classiques et qu'elles ont été parmi les premiers organismes à diffuser des concerts de calibre professionnel dans les régions éloignées. Oui. Parce que vous savez, nous, on habite dans un grand centre, mais c'est pas facile, hein, en dehors de certains grands centres. Et que parce que, en fait, la société a évolué et les JMC ont été capables d'évoluer en même temps. Donc, elles sont encore très actives aujourd'hui. Et c'est un organisme qui compte beaucoup dans notre vie artistique. Alors, ça commence quand, cette aventure des jeunesses musicales du Canada, Françoise Davoine? Eh bien, ça commence en 1949, donc après la guerre. Hein, et ça commence à Saint-Hyacinthe. Donc, pour une fois, ça ne commence pas à Montréal. Ouais. Ça commence à Saint-Hyacinthe parce qu'il y a un jeune violoniste qui s'appelle Gilles Lefebvre, qui est allé passer quelques années en Europe et qui est revenu ici faute de sous. Hein, il ne pouvait plus rester là. Et qui donne une tournée de concerts, 50 concerts, et qui s'arrête dans les petites places puis qui se rend compte qu'en fait, c'est bien difficile de faire des tournées, que ce n'est pas structuré, qu'il n'y a pas de réseau et tout ça. Alors, il joue à Saint-Hyacinthe et là, il se rend compte que lors d'un concert qu'il commente lui-même, il y a des gens qui sont très intéressés, il y a une société qui s'appelle les Compagnons de l'art, c'est-à-dire des mélomanes passionnés, et il se dit, ah, avec ces gens-là, je pourrais peut-être créer une association pour la promotion en fait, des concerts. Ouais. Une association qui s'appelle les Lycons. Les Lycons, c'est la montagne sur laquelle se vivent les muses, hein, dans la mythologie grecque. Ouais. Et il se rend compte qu'il y a une petite cellule à Shawinigan, qu'il y a une petite cellule à Québec, qu'il y a toujours des gens qui essayent d'organiser des des concerts, d'avoir accès à la musique. Et c'est là qu'il se dit, il faut faire un réseau. Voilà. C'est comme ça que ça naît, tout simplement. Il faut dire que c'est un organisateur. Toute sa vie, quand il est à Paris, dans les années 40, il va organiser une association de musiciens à Paris. Vraiment, c'est dans son ADN, Gilles Lefebvre, ce sens de l'organisation. Donc, c'est parti en 49 officiellement. Il faut dire que quelques années auparavant, tout de suite, les Jeunesses musicales du Canada sont associées au mouvement international des Jeunesses musicales qui sont nées dans les années en pleine guerre. En pleine guerre, en Belgique, grâce à un homme qui s'appelait Marcel Cuvelier, qui était directeur de la Société philharmonique de Bruxelles et qui voulait, en cette période d'occupation, il le disait lui-même, soustraire la jeunesse aux entreprises insidieuses de l'occupant. Alors, il a créé donc ces regroupements, ces réunions où on parlait de musique, on jouait de la musique, on commentait de la musique. Et en France, au même moment, il y avait un monsieur qui s'appelait René Nicoli et qui, lui, organisait des rencontres aussi auprès de militaires. Et puis ça avait beaucoup de succès. Puis on leur demandait de plus en plus et de plus en plus. Alors il y a eu les Jeunesses musicales de Belgique, les Jeunesses musicales de France. Mais Gilles Lefebvre, lui, qui était en France, à Paris, entre 46 et 48, il avait à peine entendu parler de ce mouvement des Jeunesses musicales. C'est seulement ici, en rentrant au Canada, quand il s'est mis à penser à son réseau, on lui a dit mais ça, c'est l'esprit des Jeunesses musicales. Alors tout de suite, il a écrit à René Nicoli. Et puis il a demandé la permission de s'appeler Jeunesse musicale du Canada. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a en tête au moment? Bien sûr, vous nous l'avez dit, les musiciens, ils se rendent compte que c'est pas facile d'organiser des tournées chez nous. Et ils fondent les Jeunesses musicales. D'ailleurs, il va tellement s'investir dans les Jeunesses musicales qu'il va renoncer, c'est pas rien, à sa carrière de soliste, de violoniste. Ah oui, complètement. Et ça, c'est admirable parce que c'était quand même un bon violoniste. Il s'était produit en France avec André Mathieu, par exemple. Il avait même créé une œuvre d'André Mathieu. Il connaissait beaucoup de monde. Il avait un entregent incroyable. Il avait un sens des relations. Quand il était à Paris, il avait rencontré Georges Vanier, qui était l'ambassadeur à l'époque, sa femme Pauline. Il avait organisé des rencontres entre les musiciens canadiens, vraiment, mais pour sa carrière à lui, en fait. Ouais. Et puis finalement, il s'est dit non, il faut que je fasse un choix. Et il a décidé de consacrer sa vie donc, à ces Jeunesses musicales qui avaient un objectif très clair, qui incarnait son idéal, en fait. Un objectif double aussi, c'était développer un public plus large par des concerts commentés et puis permettre aux jeunes musiciens classiques de vivre de leur art. En fait, on faisait d'une pierre deux coups. La rencontre entre exactement. Le public et ce talent qui monte. Et ça va marcher. Les chiffres nous le montrent. Ça va être l'explosion, littéralement, des Jeunesses musicales très rapidement. La première année, il y a eu 6 villes. Après ça, la troisième année, il y en avait 16, puis 30, puis 50, jusqu'à 110 villes de Saint-Jean-Terre-Neuve à Vancouver au début des années 70. Donc, vous voyez, en 20 ans, en une vingtaine d'années. Maureen Forrester interprétant un air de Brahms, on l'entendait au tout début de l'émission, Maureen Forrester, Françoise Davoine. C'est vrai que son nom est intimement associé aux Jeunesses musicales du Canada, mais elle fait partie d'une très, très longue liste de grands de la musique classique d'ici qui seront passés par les Jeunesses musicales. Oui, qui ont fait des tournées. Elle, Maureen Forrester, elle se vantait toujours de connaître tous les sous-sols d'église du Canada. Ouais. C'est pour vous dire, en fait, à quel point les Jeunesses musicales ont été importantes pour amener la musique dans des coins reculés, en fait. Hein. Et elle des conditions. Dans des conditions incroyables aussi. Alors, je peux parler de Joseph Rouleau, le duo de pianistes Victor Bouchard, René Morissette, la pianiste Colombe Pelletier. Colombe Pelletier, elle m'avait raconté, je me souviens, je pense que c'est celle qu'elle fait le plus de concerts. Elle accompagnait les violonistes, les chanteurs et tout ça. Elle avait pu en faire plus de 2000. Et l'entendre raconter les tournées en Gaspésie l'hiver, faut imaginer là. Gilles Lefebvre, il conduit la voiture, il y a son violon derrière, il y a Colombe Pelletier à côté. On arrive dans des toutes petites places. Partout où il y a un centre jeunesse musicale, c'est la même. C'est la même formule. C'est un comité de bénévoles. Et ça, bénévoles, il faut les saluer dans cette émission parce qu'ils existent encore aujourd'hui et qu'ils sont le pilier des jeunesses musicales. Alors, c'est ce bénévole-là qui s'engage à constituer le public, à accueillir les musiciens, à trouver les instruments. Alors, parfois, il y a des pianos qui n'ont pas de pédales. Parfois, il n'y a pas de piano. On traverse la rue, on rapporte un harmonium. Enfin, on fait avec les moyens du bord. Ouais. Gilles Lefebvre, il conduit la voiture, il joue le violon, il commente les concerts. Et puis, après ça, il va rencontrer des gens pour constituer un autre comité. Alors, il va rencontrer les dames patronesses du coin, il va rencontrer les communautés religieuses, parce qu'évidemment, il a beaucoup de relations avec tous ces gens-là, et c'est souvent dans ces endroits-là que les jeunes se réunissent pour faire de l'écoute musicale et tout ça. L'idée, c'est vraiment plus que de créer un réseau, c'est de créer un véritable écosystème, en fait. Hein. Ouais. On veut que tout soit intégré, en fait, pour faire connaître les jeunes musiciens, et puis pour développer le public. Et puis, ces grands noms qui ont fait des tournées, ça va jusqu'à aujourd'hui. On pourrait en nommer pendant toute l'émission. Il y a le Quatuor Orford, Kiliko, James Ennes, Vincent Lauzé, Marina Thibault, tous les jeunes qui sont passés par Radio-Canada comme révélation ont fait des tournées de jeunesse musicale, Valérie Milhaud, etc. Et encore aujourd'hui, ça continue. Donc, les tournées, évidemment, c'est très, très important. Elles seront canadiennes, mais elles seront aussi internationales, ces tournées. Et puis, il y a une autre institution qui va être vraiment très, très importante dans la vie des jeunesses musicales canadiennes, dans ce qu'apportent les JMC à ces jeunes talents qui montent, les camps. Et ça arrive très vite. En 51 déjà, il y a un camp des jeunesses musicales. De quelle manière c'est important? Ben parce que, justement, c'est pour ça. C'est parce que je vous dis, Gilles Lefebvre, dans son idée, c'était la musique pour les jeunes, par les jeunes, mais avec l'aide des adultes. Alors, quand je parle d'écosystème, c'est vraiment ça. Il s'est dit, bon, OK, on a notre réseau, on a des jeunes, c'est une magnifique aventure plus que musicale, c'est une aventure humaine, ça confronte les jeunes à la vraie vie d'artiste aussi, hein. Elle nourrit le dépassement de soi. C'est entre le moment où on est étudiant et où on est véritablement professionnel. Alors, c'est fantastique comme expérience. Là, bon, évidemment, on allait à l'étranger, ça a duré jusqu'aux années 70, après, ça a un peu reculé, mais il s'est dit, il faut que ces jeunes-là, ils puissent se réunir l'été aussi peu, il faut qu'ils puissent se perfectionner avec des grands maîtres. D'où l'idée du camp. Un camp qui a été donc créé en 51 au Mont Orford, dans un marécage, véritablement. Hein. Au début, c'était vraiment des petites cabanes. On allait manger au club de golf, il n'y avait rien du tout. Mais on s'initie non seulement à la musique, mais aussi aux autres formes d'art, parce que dans l'idée de Gilles Lefebvre, il faut voir plus vaste que la musique. Ouais. Et puis, on développe des tas de relations musicales, donc en fait, avec des grands maîtres venus de un peu partout. Qu'est-ce que c'est donc ça? Une fugue de Bach? Ah oui, une fugue, naturellement. T'as remarqué comme la mélodie s'enchaîne? Comme les thèmes se fuient? Parce que tu sais, fugue, ça veut dire fuite. Il y a du latin, fuga fugae, féminin. Quelle construction! Sais-tu pourquoi je l'aime, ce morceau-là? Non. Parce que c'est beau. Ce que vous venez d'entendre est un extrait du documentaire Jeunesse musicale, un film qu'a réalisé Claude Jutras en 1955. Cette année-là, c'est le pays, c'est le Québec, c'est le Canada qui accueille le Congrès international des jeunesses musicales. C'est fabuleux cet extrait, Françoise Davoine, parce que ça nous montre la rencontre qu'il y a entre le professeur qui théorise, qu'est-ce qu'il essaie d'apprendre aux jeunes musiciens, le situer, lui donner des concepts, et le jeune musicien qui trouve juste ça beau, ce qu'il joue. Qui s'appelle Michel Dussault et qui est devenu pianiste de concert. Oui. Et ça, 55, donc, c'est le film de Jutras. Mais c'est plus que ça, c'est le congrès des jeunesses musicales, le congrès international. À ce moment-là, le Canada est un peu vu comme le modèle à suivre. Absolument. Gilles Lefebvre est devenu président de la Fédération internationale des jeunesses musicales l'année d'avant. La réputation du mouvement est bien établie. On accueille le congrès des délégués, puis il voit ça. un camp musical en plus de tout ça. Ils n'en reviennent pas. Et le Canada a vraiment une place extraordinaire au sein de la fédération. Alors, à la fin des années 50, les JMC sont vraiment très bien établis. Les tournées vont bon train. Les échanges internationaux sont ainsi. Les profs qui viennent à Orford sont prestigieux. La renommée du mouvement ne fait que croître. Ouais. Et Radio-Canada est là et enregistre les cours de maître, plein de concerts. C'est fantastique. Il y a une émulation extraordinaire, mais ça ne suffit pas à Gilles Lefebvre. Je vous dis, il n'y avait comme pas de limite à ce qu'il voulait. Il disait, ouais, mais on se produit dans des conditions vraiment difficiles. Hein, vraiment, ça nous prend une vraie salle de concert. Et il l'aura à sa vraie salle de concert. On l'écoute nous expliquer un petit peu. Puis vous allez voir, il y a un lien entre le Congrès de 55 et l'arrivée en 1960 de cette toute belle nouvelle salle. Gilles Lefebvre en parle à l'émission « L'aventure des jeunesses musicales du Canada » diffusée en 1999. La salle de concert a tout changé l'ambiance du camp musical. Vous savez, parce que si vous vous remontez à toutes les années avant 1960, les concerts se donnaient dans l'unique salle qu'on avait, en bois, là, où s'il y avait eu une étincelle, tout flambait rapidement. Et puis on pouvait asseoir maximum 200 personnes. Comme scène, c'était une scène qui avait à peine 10 pouces de hauteur, parce qu'autrement, on s'en allait au plafond. Le plafond était très bas. Et puis, c'était tout comme ça dans toutes ces années-là. Et tout à coup, on rêve de notre salle de concert. Ça nous en prend une, ça nous en prend une. Et puis, il faut convaincre les gens. Il faut convaincre le gouvernement de nous donner une somme importante. Ils m'ont donné 335 000 $ de l'époque. Mais vous savez, tout s'enchaîne dans le progrès d'un organisme comme celui-là. S'il n'y avait pas eu le congrès de 1955 avec des pays étrangers comme la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne qui nous visitent, on n'aurait pas impressionné les politiciens du Québec. Voyez-vous? On serait peut-être resté très, très, très petit et jamais capable de faire grandir Orford. Alors, tout ça, ça compte. On la voit bien et on la comprend bien, la vision qu'a Gilles Lefebvre en écoutant cet extrait. Et c'est vrai que cette salle-là, ça va tout changer. Oui, absolument. Ça change l'ambiance, les musiciens qui viennent s'y produire. Puis elle existe encore aujourd'hui. Hein. Maintenant, Orford est devenu un centre d'art. Il y a un festival de musique, c'est Orford Music. Il y a une grande saison de concerts l'été dans cette salle qui a été restaurée, bien sûr, depuis. Alors, ça a marqué vraiment une étape importante dans la vie musicale régionale du Canada. Mais ce n'est pas tout, parce que Gilles Lefebvre ne s'arrête pas si facilement encore. Quelques années plus tard, une autre étape importante, on se retrouve en 1965. Alors, ce quatuor d'Orford qu'on entend ici interpréter un extrait d'un quatuor de Beethoven enregistré en 1986, il est créé, Françoise Davoine, en 1965. Oui, au camp musical, parce qu'il y avait une grosse classe de cordes. On a pris 4 jeunes qui s'initient là-bas à la musique de chambre et qui vont décider de faire carrière ensemble. Ce sont les 4 mêmes musiciens pendant 15 ans et ça va devenir un des quatuors les plus réputés sur la scène internationale qui a existé pendant de nombreuses années. Après ça, il y a eu un arrêt et il est réapparu, il y a le nouveau Quatuor Orford aujourd'hui. Donc, hein, les traces sont encore là. On poursuit notre histoire des grands moments des JMC. 67, évidemment, un incontournable, c'est l'année de l'Expo. Oui, il faut dire que les jeunesses musicales du Canada ont eu de la chance parce que Gilles Lefebvre a été nommé directeur artistique associé du Festival de l'Expo. Mais il amène avec lui toute la réputation des jeunesses musicales du Canada et c'est la direction d'Expo 67 qui va demander à Gilles Lefebvre d'imaginer un pavillon des JMC. Il y en a peut-être parmi les auditeurs qui s'en souviennent. Il y avait toutes sortes de choses. Ça, c'est vraiment la consécration et c'est la collaboratrice de Gilles Lefebvre, André Desautels, qui va donc concrétiser ce projet. Et puis, c'est un pavillon qui a attiré des centaines de milliers de personnes et c'était très créatif, il y avait même de l'interaction, c'était très avant-gardiste. Donc les Jeunesses musicales du Canada ont pris part à cet événement qui a vraiment consacré la fierté du Canada en 67. Ouais. Deux ans plus tard, en 1969, Françoise Lavoine a un autre rêve qui devient réalité pour le mouvement des Jeunesses musicales. C'est vraiment une histoire de succès, cette affaire-là. Ouais. La création de l'Orchestre mondial des Jeunesses musicales. Oui, ça, c'est pas peu dire. C'est un orchestre qui a tenu la route pendant très longtemps, qui a eu quelques difficultés, qui a déménagé d'un pays à l'autre. Mais l'idée, c'était de réunir, rassembler. C'est toujours ça, l'idée de Gilles Lefebvre. Rassembler et mettre les meilleures ressources au service des jeunes musiciens. Donc, rassembler des musiciens de partout dans le monde sous la direction de très, très grands chefs. Il y a de très grands chefs qui sont venus diriger cet orchestre des jeunesses musicales, l'Orchestre mondial des jeunesses musicales. Il quitte la direction des jeunesses musicales en 1972, Gilles Lefebvre. Ça, c'est un moment charnière. On a vu tellement d'organisations qui reposait sur la vision d'une seule personne. Mais ça se passe bien, finalement. Oui, ça n'a pas été facile, il faut le dire, parce que les années 70 ont quand même été difficiles. Il faut dire qu'il y avait eu l'euphorie de l'expo, que le monde changeait. Alors, les JMC ont tout fait pour évoluer vraiment en même temps que la société, mais tout en restant fidèles à leur mission de base. Et partout au pays, on a fait un travail de défricheur, vraiment. Et puis, dans certaines provinces, avec le changement des politiques provinciales, il y a des institutions, surtout dans l'Ouest canadien, qui ont pris un peu le relais de ce que faisaient les jeunesses musicales. Il y a des structures locales, professionnelles qui se sont établies. Alors les JMC ont décidé de recentrer leurs activités sur l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick. Mm-hmm. Mais on n'a pas arrêté. Dans les années 80 et 90, il y a eu la création de la Fondation des jeunesses musicales qui appuie les activités du mouvement. Il y a plusieurs prix aussi qui ont été établis pour encourager les jeunes musiciens. On a inauguré, ça Joseph Rouleau en parlait au début de l'émission, la maison d'André Bourbeau des jeunesses musicales. On a relancé le concours musical international de Montréal qui aujourd'hui vole de ses propres ailes. On a créé une banque d'instruments. Bref, les directeurs généraux qui se sont succédés à la tête des JMC n'ont vraiment pas manqué d'idées ni d'énergie. Ce qui fait que ce mouvement existe encore et aujourd'hui encore, donc, c'est une force vibrante en musique classique. Et aujourd'hui, pour la première fois, il est dirigé par une femme qui s'appelle Danielle Leblanc et qui a une vision très collaborative des jeunesses musicales et qui développe des ententes avec des diffuseurs régionaux, avec des institutions bien établies et qui continue toujours à s'appuyer sur l'enthousiasme des bénévoles, comme je le disais, qui ont toujours été le pilier des JMC. Alors même si le répertoire classique reste au cœur du mouvement des jeunesses musicales du Canada, c'est clair que le mouvement s'ouvre de plus en plus vers les traditions musicales du monde, vers le jazz. Et en fait, aujourd'hui encore, la toute petite équipe qui est vraiment passionnée des JMC réussit à mettre en place chaque année plus de 1500 activités qui touchent plus de 80 000 spectateurs ou spectatrices participants dans les salles de concert et dans les écoles. C'est donc un très grand mouvement encore aujourd'hui. Et merci de nous en avoir parlé, de nous avoir rappelé si brillamment son histoire. Françoise Lavoine, ancienne animatrice à ICI Musique, amie de l'émission, merci beaucoup. Merci. Toujours un plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.